Radio Arc-en-Ciel. Sébastien Charles, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui. Bah, attends, parce non, que. Non, attends, c'est. Je viens de m'apercevoir finalement. Donc, eh bien, voilà, il est venu spécialement pour vous. Alors, on peut dire, il vient du nord, de la France. Oui, je viens de Lille, oui, tout à fait. Exceptionnellement, il a pris le train, il est arrivé à 13h, il doit repartir puisqu'il travaille ce soir sur Lille. Et donc, il a dit, pour vous, promis, je viens. Donc, un grand, grand merci à lui. C'est vraiment sympathique merci. D'être venu nous voir. Merci. En quelques mots, alors, chanteur, auteur, compositeur ? Alors, je ne suis pas compositeur parce que je ne suis absolument pas musicien. D'accord. Je vous mettais devant oui. un piano ou n'importe quoi, je ne vais pas y arriver. Par contre, je trouve les mélodies, à part quelques chansons où on les a faites pour moi, mais généralement, les mélodies me viennent et j'ai la chance d'avoir un compositeur, voire même une amie qui m'a composé la dernière chanson que vous entendrez. Mais sinon, les mélodies, elles me viennent de moi. Mais alors, je fais la et puis on adapte. Voilà. La longue, alors, c'est ça. Oh là, c'est ça. Alors donc, j'ai reçu tes quelques morceaux, un album en ce moment, l'actualité. Alors, il y a un premier EP qui est sorti en novembre cette année. Donc là, vous allez avoir à peu près toutes les chansons qui en font partie, à part une. Et sinon, on en prévoit un autre pour septembre. Alors, je ne sais pas s'il aura la forme d'un EP ou d'un album complet, d'accord. parce que ça coûte beaucoup d'argent. Bien sûr. Donc, en fonction du nombre de titres, en fonction de ce qu'on pourra faire et avoir comme argent, l'album sera plus ou moins important. Voilà. D'accord. Et donc l'album, tu l'as emmené, Sina Kélésir ? Ah, il est avec moi, il est toujours avec moi, c'est mon petit bébé. Il faut le mettre à la content. Radio, il faut que tu l'utilises en dédicace. Hein, eh bien, donc ça je te laisse la place, bon courage à toi sur cette belle scène. Juste pour moi, le temps de rejoindre la sono, sous votre tonnerre d'applaudissements, Sébastien. Merci. Maman, on connaît tous le dénouement. Pourquoi sourire de temps en temps si c'est pour pleurer si souvent? Pourquoi combattre ce sentiment de se sentir si impuissant? Je veux vivre, vivre et profiter de chaque instant, courir, jouir. Mon existence à présent, je veux vivre, vivre et me moquer du mauvais temps, courir, jouir, ne plus penser tout simplement. Je veux vivre, oh vivre. Quel est le but si ça fout le camp d'exister pendant 100 000 ans? Se battre contre le vent qui souffle sur nos tremblements. Pourquoi combattre ce sentiment de se sentir si impuissant? Qu'y a-t-il après? Finalement, on s'en fout pas mal à présent. Vivre et profiter de chaque instant, courir, jouir de mon existence à présent. Je veux vivre, vivre et me moquer du mauvais temps, courir, jouir, ne plus penser tout simplement. Je veux vivre, vivre. Je veux vivre, vivre. Hey, est-ce que t'entends? Est-ce que t'entends? Je veux vivre, vivre et profiter de chaque instant, courir, jouir de mon existence à présent. Je veux vivre, vivre et me moquer du mauvais temps. sourire. Ne plus penser, ne plus penser, tout simplement. Merci. On va continuer, la prochaine, elle est un petit peu plus piano, un petit pas plus lente, mais la rythmique est différente. Les murs blancs, ils te racontent des visages sombres, rendent compte leur miroir d'indifférence. N'accorde aucune tolérance. Les murs blancs te volent à l'ombre des nuits sont hauts. Déprimantes, leurs murmures, les évidences ne t'accordent aucune tolérance. Tu balances ta tête dans le vide immense, déglutis ta honte d'une accoutumance. Tu balances ta tête, jette par la fenêtre un regard ébloui, ton passé qui s'enfuit. Les murs blancs te volent à l'ombre des nuits sont hors. Indécence, leur miroir d'indifférence ne t'accorde aucune tolérance. Balançoire, tu vises le trottoir, payant l'innocence de ta décadence. Toiture dans le noir, à quoi bon tant d'espoir? Tu balances ta tête dans le vide immense, déglutis ta honte d'une accoutumance. Balance ta tête, jette par la fenêtre un regard ébloui, ton passé qui s'enfuit. Tu relèves ta tête, tu cries ton mal d'être, entré par hasard au milieu de nulle part. T'expousses de ta tête, jette par la fenêtre le bordel en transe d'une accoutumance. C'est que tu fuis. Merci. Pour la prochaine, on va un petit peu voyager, si je me trompe pas dans l'ordre. On va partir du côté de Cuba avec des rythmes un petit peu afro-cubains. On va danser un petit peu avec un sujet qui est peut-être pas léger. Vous comprendrez peut-être pas. Vous essayerez. On verra bien. On la voit comme une sylphide, maîtresse d'un château en ruine, gardienne d'un château en ruine, maîtresse d'un chef-d'œuvre en ruine. D'une rive à l'autre, il n'y a qu'un pas, elle vous aidera à faire cela. Un jour ou l'autre, elle m'aidera, pourvu qu'elle ne se presse pas. J'ai rendez-vous avec la dame, une dame pâle sans état d'âme, j'en ai jamais vu qui se parle, pour une dame qui s'entoure du drap. J'ai rendez-vous un jour ou l'autre, ce rendez-vous ne sera pas pour l'or, pour l'instant ce n'était qu'un leurre, la dame brune est toujours à l'heure. La dame n'est pas regardante, le physique n'a pas d'importance, et de côté elle fait son choix, auquel obère. Le prépare. Bonsoir Bado criminel, un jour elle vous ensorcelle. Si la magie vous émerveille, pour le coup ce ne sera pas pareil. « J'ai rendez-vous avec la dame, une dame pâle sans état d'âme. J'en ai jamais vu qui se parle pour une dame qui s'entoure du drap. J'ai rendez-vous un jour ou l'autre, ce rendez-vous sera pas pour l'autre. Pour l'instant ce n'était qu'un leurre, la dame brunette toujours à l'heure. C'est vrai qu'on râle tous les jours, on se plaint des choses de l'amour. Mais lorsqu'un jour ce sera mon tour, je râlerai pour un billet de tour. Une dernière danse, une dernière chance, un peu comme une récompense. Moi je suis pas prêt pour le silence. J'ai rendez-vous avec la dame, une dame pâle sans état d'âme. J'en ai jamais vu qui se parle, une dame qui s'entoure du drap. J'ai rendez-vous un jour ou l'autre, ce rendez-vous sera pas pour l'autre. Pour l'instant ce n'était qu'un leurre, la dame brunette toujours à l'heure. Papa la papa, papa la papa. Merci. Des idées noires, quelques espoirs, bourdons du soir, histoire qui s'entête, syndrome d'une défaite, déforme ma tête. Des grands poètes qui vous promettent une grande fête, un grand amour. Je suis un homme, une image floue, tout en désordre, un point c'est tout. J'ai pas eu la chance, pas eu de romance, l'amour s'en fout. Oui, rien qu'un homme construit un tout Vérone qui vous prend tout. J'ai pas eu la chance, pas eu de romance, l'amour. L'esprit du jeu, se croire heureux, baissant les yeux, évitant de chaleur, d'un moment sans bonheur, dévore mon cœur. Ma désesthète, désolée mère, qui vous enflamme une grande fête, un grand. Réchauffer mon cœur glacé, enfin crier, je suis un homme. suis un homme, un pauvre fou, rêvant d'amour sans vos tabous. Je suis un homme, une image floue. Je suis un homme, un point, c'est tout. Merci. Allez, une dernière pour la route. On va parler de bougies. Pas de gâteau d'anniversaire, mais de bougies. Après, vous en faites ce que vous voulez des bougies. Oh là, moi aussi d'ailleurs. Ah ben il suffit d'écouter, on comprendra un peu ce qu'on peut en faire des bougies. Non, les bougies. Il écoute pas. Hein. Mais moi j'assume jusqu'au bout. Que j'aimerais garder le mot, le sensuel, pas le fardeau d'une nuit noire, d'un matin chaud, mettre le compteur à zéro. Je vais chasser les nuages gris, ces démons qui m'ont meurtri, c'est décidé, moi. Je souris, la vie m'ouvre enfin ses bras. Je m'aime, tu m'aimes, ça on verra. Approche-moi, délivre-moi. La vie m'ouvre enfin ses bras. Accorde-moi du temps pour ça. Accroche-moi, délivre-moi. Les nuages gris, toi déconne pas. Si je vais chasser les nuages gris, toi déconne pas. Si tu t'approches, tous ces démons qui m'ont meurtri, je te ferai la peau si tu m'écorches. Je dis tout ça par le carreau, récupéré quelques bravos. Moi les toxiques, j'en ai plein le dos. La vie m'ouvre enfin ses bras. Je m'aime, tu m'aimes, ça on verra. Approche-moi, délivre-moi. La vie m'ouvre enfin ses bras. Accorde-moi du temps pour ça. Approche-moi, délivre-moi. Délivre-moi. Je me suis bâti une escorte pour ne pas te mettre à la porte. Mais mon message reste lettre morte. La vie c'est souvent un combat où j'aimerais juste souffler parfois les bougies de je ne sais quoi. Les bougies de je ne sais quoi. Répétez après moi. Les bougies de je ne sais quoi. À vous. Les bougies de je ne sais quoi. Les bougies de je ne sais quoi. La vie m'ouvre enfin ses bras. Je m'aime, tu m'aimes, ça on verra. Accroche-moi, délivre-moi. Yeah. moi. Merci. Merci beaucoup. Oui, ça donne chaud. Les bougies, ça chauffe aussi. Hein. Un énorme tonnerre d'applaudissements à Sébastien. Merci. Qui est venu nous voir tout spécialement de Lille. Et oui, je tiens à le merci préciser. Merci beaucoup. Il a fait l'aller-retour pour nous. Un énorme merci. On le retrouvera très prochainement sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel.